Contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici un mardi sur deux avec vous de midi à 13h. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très, et je tiens à le dire, très important. Oui. Le burn-out des internes en médecine. Et oui, je me rappelle d'un des témoignages que tu avais eu la saison dernière. Oui, et c'est effectivement un secteur. Alors, il faut le savoir qu'ils ont entamé une grève depuis le 28 avril par rapport, avec date illimitée, par rapport à un problème de coercition, c'est-à-dire qu'ils sont obligés par le gouvernement d'être régulés pour leur installation. Mmh. Ça, on va dire que c'est le haut de l'iceberg. Maintenant, il y a tout le fond. Parce que le fond, ils sont quand même dans une situation très difficile. On va juste rappeler, et on le rappellera par la suite, que 66% des internes en médecine sont en burn-out. Oh là là. 66%, c'est énorme. Et oui. Alors, il faut bien comprendre que le vrai problème reste dans le nombre de médecins formés et pas la façon dont ils sont répartis sur le territoire. Et le problème est aussi des manques criants de maîtres de stage universitaires, un nombre de locaux insuffisant, des conséquences sur la médecine des villes et des patients parce qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'un problème d'organisation et puis un cadre inexistant. Apparemment, il y a des problèmes dans le fonctionnement de l'internat. Interne en médecine. Suite à ça, nous allons avoir un invité particulier aujourd'hui. Je vous laisse la surprise dans quelques instants. Pour revenir à notre sujet, le burn-out des internes en médecine est d'autant plus, je dirais, grave qu'il mène à beaucoup de suicides. Mmh. Et là, je trouve que c'est important qu'on en parle parce que c'est la phase finale du burn-out, c'est-à-dire dans le continuum gris clair à gris foncé. Le burn-out, on arrive à une fatigue extrême qui nous mène à un moment donné à retourner la violence contre soi-même. Ils ont une fatigue due à plusieurs facteurs, entre autres des horaires complètement ahurissants, des plannings qui ne tiennent pas la route, des choses qui sont, je dirais, pratiquement inhumaines. Or, pour revenir à l'interview qu'on avait eue l'année dernière, d'une interne en médecine, oui. Elle nous disait que le gros problème aussi dans ce secteur, c'est que l'étudiant en médecine ou l'interne en médecine ou le médecin, il est fait pour soigner. Il n'est pas fait pour parler de sa maladie ou de son problème de santé. Mmh. Là, on va rappeler quand même un point important, Ralentir pour vivre, l'association le mène, ce point important, et le dit haut et fort, c'est que ce n'est pas une maladie de l'individu. C'est une maladie, une pathologie de société qui, en fait, pousse l'individu dans ses retranchements et essaye de le rendre coupable d'un phénomène dont il a été victime. Donc là, c'est aussi important de voir dans ce contexte médical un côté très difficile pour eux à vivre parce que ils vivent cet épuisement, ils le vivent constamment et ils ne sont pas censés en parler. Ils ont en face d'eux des malades, des gens qui ont besoin de leurs soins. C'est quand même terrifiant. Ben ça, tu peux le dire, oui, effectivement. C'est très difficile à vivre. Là, on va entendre une toute petite audio. C'est envoyé spécial, j'en ai pris un petit morceau, qui parle du problème des internes en médecine. Et là, je pense que ce sera un résumé. Elle me racontait des gardes où elle n'arrivait même pas à aller aux toilettes. C'est la fête de fin de stage qu'elle a faite. C'est juste après cette fête qu'elle s'est suicidée. Face à la pénurie de médecins, ils sont devenus les piliers de l'hôpital public. Après leur 6e année d'études, les étudiants en médecine doivent effectuer 3 à 5 années d'internat à l'hôpital. L'internat, c'est un peu le saut dans le vide, le système repose beaucoup sur nous. Les horaires théoriques, c'est 8h30, 18h30. Les vrais horaires, entre 60 et 80 heures par semaine. Corvéables à merci, ils enchaînent les gardes pour moins de 2000 euros par mois, dans des conditions parfois insupportables. J'ai toujours été une bonne étudiante. Je sais que je n'étais pas en capacité de prendre soin de quelqu'un correctement. Burnout, dépression, beaucoup d'internes craquent. Mais c'est juste après cette fête qu'elle s'est suicidée. Entre passion et pression, les internes pourront-ils encore longtemps tenir l'hôpital public à bout de bras ? Voilà, chères auditrices et auditeurs, on a déjà mis la situation dans les circonstances dans lesquelles elle est. On a posé le décor. Et là, maintenant, nous allons recevoir Kylian Lelgouarche, qui est président de l'ISNI, Intersyndicale Nationale des Internes en Médecine. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous ai présenté comme étant le président de l'ISNI, l'Intersyndicale Nationale des Internes, c'est juste. C'est ça, exactement, tout à fait. Voilà. Intersyndicale Nationale des Internes qui représente tous les internes de toutes les spécialités en France, toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Voilà. Vous nous donnez vraiment l'opportunité de parler de ce sujet. Nous vous en remercions beaucoup d'être à l'antenne aujourd'hui avec nous. Ce que j'aimerais déjà positionner, c'est que vous êtes en grève illimitée depuis le 28. Ça, c'est déjà la première chose, depuis le 28 avril. Et cette grève illimitée, elle est due à la coercition. Ils demandent de réguler, l'installation des médecins, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Je voudrais vous poser la question suivante. Comment décriveriez-vous la situation qui met 66% des internes en médecine en épuisement et qui cause des suicides? C'est une vaste question. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation et la possibilité de mettre effectivement en lumière les difficiles conditions de travail que les internes en médecine subissent au quotidien. Alors un interne en médecine, qu'est-ce que c'est? Peut-être rapidement pour tous les auditeurs. Oui, c'est merci. Un étudiant en médecine qui est après la 7e année de médecine, donc on est déjà... On a déjà un petit peu avancé dans les études. Oui. On est professionnel de santé, on est considéré comme un agent public de l'État. D'accord. Et on travaille à temps plein dans les hôpitaux ou pour d'autres spécialités qui sont plus tournées vers vers la ville, vers l'ambulatoire, comme ma spécialité médecine générale. On est dans les cabinets de médecine générale. Donc ça, c'est à temps plein et on le vit à temps plein. Et effectivement, la situation plutôt dans les hôpitaux publics, elle n'est pas nouvelle. Hein. Vous avez cité le chiffre de 66% de burn-out. On avait exactement le même chiffre en 2021, lors de notre précédente enquête. D'accord. Et on avait des chiffres un peu plus faibles en 2017, à l'époque de notre toute première étude. Donc on voit que ça monte crescendo. Mmh. Et alors cette situation, elle est subite. On l'a subi en lien avec les conditions de travail qui sont énormes. Déjà, un interne en médecine, on connaît les 35 heures légales en France. Un interne en médecine, c'est 59 heures en moyenne de travail par semaine. Donc c'est quasiment le double. Et normalement, la législation qui impose le droit du travail au niveau européen, c'est 48 heures max. Donc même vis-à-vis du droit européen, on n'est pas encore dans les clous. Oui. Et c'est lié au fait que pendant des années, depuis, je dirais, l'existence de la médecine, on n'a jamais, quand on était médecin, décompté ses heures de travail. Donc pour un interne en médecine, encore moins décompté ses heures de travail. Et qu'aujourd'hui, la législation dans la loi, hein, c'est très clair. Et on demande justement cette modification, enfin que la loi soit correctement appliquée. Ce qui n'est clairement pas le cas, et ce qui est quand même un peu dingue aujourd'hui en France, c'est qu'on est obligé de se battre pour faire appliquer la loi. On n'est même pas obligé de la changer, c'est juste pour la faire appliquer. Tout à fait, oui. Et mais pour en plus... répondre à votre question sur la coercition, oui. Effectivement, on est en grève depuis le 28 avril de manière illimitée, parce que j'ai envie de dire que donc il y a cette loi Garot qui sera examinée justement cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui impose, plutôt qui empêche l'installation des médecins sur certains territoires. Et nous, on se bat contre ça, pas par démagogie, mais parce qu'on sait très bien que c'est pas cela qui permettra d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Non, et puis là n'est pas réellement le problème, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux ne tiennent que grâce au travail des internes en médecine. Oui, vous avez raison. Un interne en médecine, ou plutôt les internes en médecine, oui. C'est 40% du personnel médical. Oui, non, à l'hôpital. Là, il faut pointer quand même sur ce sujet, parce que les 59 heures par semaine en moyenne qui peuvent monter à 80, on l'a entendu dans l'audio avant du reportage de Envoyé spécial, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Donc c'est là que je disais, c'est le haut de l'iceberg, votre récrimination actuelle, parce que oui, effectivement, vous n'avez pas envie d'avoir le couteau sous la gorge. Ça, on a entendu, mais il y a quand même là-dessous, d'énormes problèmes qui stagnent. Oui, complètement. Et je peux vous dire qu'on se bat au quotidien. On est en procès contre tous les CHU de France, justement pour avoir dans tous les CHU, donc c'est juste le CHU, c'est même pas les centres hospitaliers qui sont par centaines en France, hein, donc c'est simplement les CHU, il y en a à peu près 28 une trentaine en France, et on se bat justement au tribunal administratif pour qu'il y ait la mise en place d'un logiciel qui décompte le temps de travail. Vous voyez, on n'en est que là aujourd'hui, on n'en est que à pouvoir à demander aux hôpitaux de décompter le temps de travail, ce qui n'est pas fait, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à diminuer ce temps de travail, alors que c'est possible, on le sait, hein, il y a plein de services en France qui ont mis en place des systèmes qui ont permis d'éliminer le temps de travail. Je pourrais vous donner des exemples un petit peu plus tard. Oui. Alors, ce que je trouve quand même qui est important, c'est qu'on met quand même ça sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. C'est grave. Parce que là, justement, dans le reportage de Envoyé spécial, il parle d'une jeune fille qui s'est suicidée et sa maman parle en regardant les plannings en disant, mais elle avait plus de 3 voire 4 jours d'affilée sans pause. Sans pause. C'est inhumain. Tout à fait. Il y a je dirais, pas un tabou, mais plutôt une vision de la société vis-à-vis du médecin, que, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, hein, sur la question de l'accès aux soins, chaque Français a forcément envie d'avoir accès aux soins, et c'est bien normal, mais à quel prix? Est-ce que, effectivement, il faudrait revenir à l'ancien temps qui n'existe plus encore aujourd'hui, mais il y a certains médecins qui le font encore, de travailler du lundi au dimanche, de 7h jusqu'à 23h minuit. Moi, j'ai connu des médecins qui faisaient ce rythme de travail qui est juste intenable. C'est pas possible. Et c'est pas possible aujourd'hui dans une société qui a évolué, où on a envie d'allier, on va dire, notre vie professionnelle à notre vie de famille aussi. C'est normal. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une sorte d'incompréhension, je dirais, de la société, et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas, de dire, bah, en fait, oui, on a envie d'avoir accès aux soins partout et tout le temps, oui, d'accord, mais avec quelle force en face, et qui en face, et avec des médecins qui ont déjà fait, pour la plupart, du 60 heures semaine, on va leur rajouter une garde supplémentaire de 12 heures, parce qu'en fait, il manque quelqu'un aux urgences. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, et dont on ne parle pas, alors qu'on devrait, parce que, je dirais que, un soignant qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, c'est un soignant qui soignera d'autant plus, qui sera d'autant plus empathique avec les patients qu'il prendra en charge, et qui aura, on le voit, hein, quand on a fait 24 heures de travail d'affilée, la 23e heure, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus irritable que la première heure de travail. C'est tout à fait juste, hein, parce que dans le burn-out, un des symptômes les plus violents, c'est l'irritabilité. Et donc, je trouve qu'on met quand même en avant une profession, on la sacrifie quelque part, parce que ces personnes ne peuvent pas suivre ce rythme. Ce n'est pas humain, c'est quelque chose de totalement inhumain. Donc ça, c'est pour ça que je tenais quand même à dire que ce motif de grève, qui est tout à fait juste, et que je comprends très bien, et auquel j'adhère, parce que c'est vrai que après avoir fait 10 années, consacré 10 années de sa vie à des études, être, je sais pas, empêché de s'installer à un endroit ou à un autre, ça ne va pas arranger le problème de fond qui est le nombre de médecins actuels. Par contre, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, là, carrément. Tout à fait. Alors déjà, nos études, elles sont longues, hein, pour être médecin, c'est 10 ans. Pour les médecins, c'est réussir un concours qui est extrêmement sélectif, avec moins de 20% de réussite de manière générale. C'est ensuite, pendant les premières années, toucher et gagner à peu près entre 100 et 300 euros par mois, donc ce qui est largement insuffisant pour vivre au quotidien. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui font un job étudiant à côté, donc en plus des études qui sont pas faciles, ils font un job étudiant en plus. Et puis après, on a un concours national qui est extrêmement difficile pendant 3 ans d'affilée. Hein, c'est 3 ans de travail acharné pour avoir la spécialité et la ville que l'on souhaite pour finir nos études. Pour vous donner un exemple, moi j'étais à Brest et j'ai choisi la médecine générale à Montpellier. Et ensuite, pendant tout l'internat, donc les dernières années d'études, on a une situation, moi j'aime bien me comparer à une situation de précarité de logement, parce que depuis que je suis interne, donc depuis mes 25-26 ans, je n'ai pas de logement fixe, c'est-à-dire que tous les 6 mois, je déménage, parce que tous les 6 mois, je suis dans un terrain de stage différent. Mon premier, c'était en Lozère, après je suis parti à Perpignan, puis je suis allé à Nîmes, je suis parti à Mayotte, j'avais décidé, j'ai choisi, hein. Puis après je suis retourné à Nîmes, je suis allé à Béziers, donc tous les 6 mois, je change, tous les 6 mois, il faut trouver un logement. C'est pas des conditions tout à fait faciles. Et vous l'avez dit, pour un temps de travail qui est largement dépassé et pour un salaire qui est largement en dessous du SMIC horaire, si on le ramène effectivement au nombre d'heures que l'on réalise collectivement. Donc, si vous voulez, il y a un sentiment, et d'ailleurs, parfois les politiques le disent, même certains citoyens le disent, hein, on vous a payé vos études médicales, donc maintenant vous devez rendre ce qu'on vous a donné. Moi, j'ai quand même plus le sentiment que tous les étudiants et internes en médecine ont déjà beaucoup donné pendant leurs études à la société. Quand on fait 59 heures par semaine en moyenne, quand un chirurgien est à 80 heures en moyenne par semaine, je pense qu'on a tous collectivement suffisamment donné pendant un temps et que effectivement, il y a un moment donné, on a envie de... D'ailleurs, il y a beaucoup d'internes qui font ça, hein, à l'issue des études, ils ne s'installent pas, ils partent en voyage parce qu'en fait, ils n'ont pas pu le faire avant, parce qu'ils ont besoin de prendre du temps pour eux, qu'ils n'avaient pas pu le faire avant. Et je rajouterai juste un dernier élément. Un interne en médecine, ça fait économiser à l'État sur l'ensemble de ses études plus de 300 000 euros. Donc non, ce n'est pas des études qui sont payées par l'État. Au contraire, on contribue largement à l'effort de guerre sur l'accès aux soins et sur la santé de nos concitoyens. Oui. Bon, nous allons faire une petite pause musicale et nous vous entendrons juste après. Merci. Merci. Minuit, une, je sors de mon lit. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime. Mes deux mains me donnent le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison. Changer les rideaux du salon. Gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo. Aller voir mamie à l'hosto. Le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine. Et merde, y'a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison. Acheter des légumes de saison. Me réconcilier avec maman, même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami. Une tournée, ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin. Moi j'ai peur du cancer du sein. Y'a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse. Et faire ma couleur rapidement, on voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans, et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle, qui sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine, mais parfois je suis épuisée. Et puis faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé, me remettre en difficulté. Et je voudrais apprendre le piano, la guitare ou le cello. Moi je veux m'accompagner solo, quand mon équipe n'est pas dispo. Dire à ma fille que je suis cruelle, d'être plus exigeante avec elle. Dire aux petits de la comprendre, c'est pas facile d'être la grande. Et je gueule trop quand je suis stressée, mes mômes n'ont rien demandé. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu, aussi maman si j'avais su. 7h10, je suis dans mon lit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et c'est déjà l'heure du biberon, j'ai pas écrit ma chanson. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons à l'antenne avec Kylian Lelgouarche pour parler de ce sujet et l'approfondir un peu. Alors maintenant, Monsieur Lelgouarche, est-ce que vous pourriez nous dire le temps de travail, d'accord, vous nous avez parlé de quelque chose qui est hors la loi quelque part, quelle est la réelle problématique qui fait que la loi a du mal à se faire appliquer? Alors effectivement, dans la loi, déjà le temps de travail est assez flou, dans le sens où on parle plutôt de demi-journée, mais personne n'a réfléchi à combien vaut une demi-journée pour décompter le temps de travail d'un interne. Normalement, un interne en médecine, il est censé être en stage 4 jours par semaine, et il a une journée qui est consacrée, parce qu'il est toujours en formation, à sa formation personnelle, à la fois pour préparer sa thèse, on a une thèse aussi de médecine à soutenir à l'issue de nos études, pour faire des formations complémentaires, ou tout simplement pour approfondir certains sujets qu'il ne maîtrise pas encore et qu'il a vu ou qu'il a eu à gérer en stage. Et donc on a 7 journées supplémentaires de formation universitaire, qu'on appelle, qui aujourd'hui est largement, dans tous les services que je connais, qui n'est pas du tout appliquée. Alors pourquoi on a cette difficulté d'application? Déjà parce que historiquement, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, On a beaucoup de mal, enfin on a eu beaucoup de mal, et on a toujours, parmi nos chefs aussi, hein, il faut nous dire que parmi nos seniors qui nous encadrent, il y en a beaucoup par exemple, qui quand ils ont commencé leurs études, ou même quand ils ont commencé leur parcours professionnel, quand ils faisaient 24 heures de garde, ils n'avaient pas de repos après ces 24 heures. Et eux, ça leur paraissait particulièrement normal qu'après 24 heures de garde, eh ben, on pouvait enchaîner encore 24 heures de travail sans souci, sans avoir particulièrement dormi les 24 heures précédentes. Mais comment on peut arriver à avoir des horaires aussi incohérents? Est-ce que ça a toujours été le cas ou bien ça date, est-ce que ça date de peu de temps? Est-ce que ça date des problèmes qu'il y a eu au Covid? Est-ce que, voilà, parce que c'est pas quelque chose qui a toujours été comme ça. Eh ben, si, ça a toujours été comme ça. Comme je l'ai dit, les seniors qui nous encadrent, eux, ils ont connu la période où il n'y avait pas de repos de sécurité après une garde de 24 heures, donc ils continuaient à être à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi, mais je peux vous dire qu'encore une fois, dans certains services, encore aujourd'hui, quand un interne, par exemple, ça existe notamment en chirurgie, quand un interne de chirurgie a fait 24 heures de garde, il a fini ses 24 heures, eh ben, il y a des chefs, des seniors qui disent à l'interne, ah ben il y a une opération intéressante aujourd'hui, ce serait quand même dommage que tu la rates. Oh, voilà, de manière un peu sous-entendue, de manière un peu insidieuse, ça sous-entend en fait à l'interne, ben, finalement tu as fait 24 heures de travail, mais là il y a une opération intéressante, donc il faudrait que tu restes. Alors que légalement, dans la loi, il n'est pas autorisé du tout à rester sur son lieu de travail parce qu'il a fait 24 heures et qu'il doit normalement se reposer. Donc c'est une situation qui existe depuis très longtemps, qui est très ancrée dans les hôpitaux et qu'on a du mal encore aujourd'hui, même si la loi est de notre côté, à faire bouger les lignes. Oui, mais alors là, il y a ce qu'on peut appeler un phénomène, je m'excuse, mais de manipulation totale. Ah oui, complètement, complètement. Et ça existe parce que, en fait, nous, on est encore en formation, donc on a encore la pression de la validation de notre stage, la pression de la validation de notre diplôme, la pression de d'avoir peut-être un poste plus tard dans ce même hôpital. Donc c'est très compliqué de dénoncer la hiérarchie. Et ça, c'est très compliqué sur le temps de travail, mais on pourra peut-être l'évoquer, hein. C'est aussi très compliqué sur des situations de violence au travail de manière générale, sur du harcèlement moral ou sur du harcèlement sexuel ou pire, des violences sexuelles. Parce que là, en tant que syndicat, parce que vous représentez un syndicat, le syndicat est aussi pieds et poings liés ou bien? Alors nous, on a quand même notre stature de syndicaliste, j'ai envie de dire, donc on peut agir. Là où on est limité, c'est que nous, on n'agit jamais sans que les internes nous le demandent. On fait jamais les choses sans eux et contre eux, je dirais. Donc on est souvent bloqué parce que les internes ne souhaitent pas parler, parce qu'ils ont cette pression que j'expliquais, pression de la validation du diplôme, du futur poste dans l'hôpital public. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a, depuis 2020, pour tout vous dire, déjà fait une injonction au Conseil d'État par rapport à la loi, justement, qui était trop floue, parce que ça comptait en demi-journée, sauf qu'en demi-journée, une demi-journée, pour moi, elle peut durer 3 heures, comme elle peut durer 5 heures, en fait. Hein. Elle peut même durer 12 heures, hein, si on reste un peu bête, oui, voilà. Ou même 12 heures, vous avez raison, tout à fait. Donc, on a fait une injonction au Conseil d'État qui a précisé, justement, la loi en disant que même si c'était un décompte en demi-journée, on ne devait pas dépasser les 48 heures de travail hebdomadaire et qui respecte la loi européenne, et donc ça veut dire qu'il faut borner justement cette demi-journée. Et à l'issue de cela, on a attaqué l'ensemble des CHU de France au tribunal administratif pour leur demander de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail, ce qui forcera finalement tous les CHU de France à réfléchir sur la demi-journée, combien elle vaut, et de manière très précise, évaluer le temps de travail de chaque interne qui travaille dans les CHU. Oui, mais bon, il y a des enjeux, comme vous nous l'avez expliqué, qui sont très importants par rapport à une carrière. Et puis, ce qu'on occulte quand même et qui existe, c'est que les hôpitaux ont un réel problème de fond en dehors de ça, de fonctionnement. Bon, ben là, je crois on va faire une petite pause musicale et on vous reprendra après parce que, vu les informations que vous nous communiquez, il faut qu'on ait le temps de digérer parce que c'est très lourd comme situation. Merci. Merci. Encore un soir, encore une heure, toujours ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les mares et les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombre et s'il nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler. Dernier regard, dernière fleur. L'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures. Passer à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées. Pour t'aimer, braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombre et s'il nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Avec toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler. M'envoler, m'envoler, m'envoler. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous retrouvons Kylian Lelgouarche. Vous êtes avec nous? Oui, tout voilà. À fait. Alors, on va essayer d'être un petit peu, on va dire, positif dans cette situation qui est quand même, je tiens à le dire, aberrante. Aberrante, on ne peut pas dire autre chose, d'autant que vous dites que ça fait un moment que ça dure, donc c'est aberrant. Mais on va quand même parler des exemples. Par exemple, auriez-vous des exemples de services qui ont réussi à réguler leur temps de travail? Oui, complètement. Alors, on a constaté, on va dire, depuis qu'on a, je vous le disais tout à l'heure, attaqué l'ensemble des CHU de France aux tribunaux administratifs pour mettre un décompte du temps de travail. On a remarqué donc que dans certains CHU, et ceux qui sont d'ailleurs même les plus proactifs, là où ça fonctionne très bien, c'est là où justement nos chefs de service se sont emparés de la question, souvent parce qu'ils sont aussi un peu plus jeunes, donc ils ont aussi cette conscience que les plus âgés ont un peu ou moins, on va dire, sur l'alliance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc ils se sont attaqués à bras-le-corps sur la question du temps de travail pour essayer de le faire respecter. J'ai un exemple très concret. Un hôpital dans l'est de la France. Il y a une nouvelle chef de service qui est très jeune, qui doit avoir, environ la quarantaine d'années, même un petit peu moins, je pense, et qui a repris justement la chefferie de service. Elle est devenue chef de service, donc déjà une chef de service très jeune. Forcément, aussi, ça fait du bien, parce que c'est une femme qui prend des responsabilités, et ça, c'est encore assez, pas encore assez suffisamment présent dans nos hôpitaux, et qui a remis table rase, je dirais, de tout ce qui existait, du fonctionnement du service qui existait, avec l'ensemble des praticiens hospitaliers, avec l'ensemble des internes, l'ensemble des étudiants, pour dire, bah, maintenant, ils avaient fait une enquête, ils étaient à peu près à 49 heures, 52 heures par semaine. Alors, c'est un petit peu moins que ce que je décrivais tout à l'heure en moyenne. D'accord. Mais ils ont mis table rase et ils ont regardé comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour faire en sorte de diminuer leur temps de travail, et ils y ont réussi puisqu'ils sont passés de 52, mais c'était 60 heures, et ils sont passés de 60 heures à 48 heures, donc qui est la durée légale maximale du travail au niveau du droit européen. Donc ils ont vraiment bien fonctionné, et ce qui démontre et ce qui montre, hein, et on le voit un petit peu partout, et même en chirurgie, dans les services de chirurgie qui pourtant nous disent c'est très compliqué de respecter le temps de travail, etc. Même dans ces services-là, il y a des initiatives qui montrent bien que quand on enlève du temps, parce que la réalité dans l'hôpital public, c'est que on opère peu et on fait beaucoup de paperasse administrative. Ah oui, voilà. Ou alors peu. Oui. Et on fait beaucoup de paperasse administrative. Oui, voilà. Ouais. Et donc, c'est ça un peu le sujet quand même. Hein. Ouais. Et donc, quand on remet du soin finalement au cœur de notre, qui est le, quand même le cœur de notre métier, quand on arrive à dégager du temps médical pour dire, ben en fait un médecin ça doit pas être à remplir des cases dans les papiers, mais ça doit être là au chevet du patient, à réfléchir aux stratégies thérapeutiques, à réfléchir à comment soigner son patient, oui. Et ben finalement on n'a pas besoin de faire 80 heures dans la semaine, parce qu'il y a plein de tâches qui se sont rajoutées au fur et à mesure des années, qui en fait se sont délégués simplement sur les médecins ou sur les internes. Oui, c'est incroyable. Bon, l'Est de la France, vous savez que nous sommes la radio Gemozo, Saint-Étienne-lès-Mirmont, nous sommes dans l'Est, nous sommes dans les Vosges. Voilà, donc je pense que des bonnes initiatives venant de l'Est, on doit les souligner. Voilà. Complètement, complètement, absolument. Et c'est, ça démontre aussi que voilà, c'est pas une fatalité, qu'on croit vraiment véritablement à ce qu'on puisse améliorer les choses. Oui. Mais voilà, il faut de la bonne volonté de tout le monde, il faut de la bonne volonté des administrations, il faut de la bonne volonté des médecins qui y travaillent pour se dire bon, en fait la situation n'est plus acceptable aujourd'hui, et comment est-ce qu'on fait avec, parce que forcément ce sera un moyen constant, comment est-ce qu'on peut réorganiser les choses pour faire en sorte de soigner mieux et d'avoir plus de temps clinique. Bah c'est important, parce que de scier la branche sur laquelle on est assis, c'est quand même pas vraiment une bonne stratégie, entendons-nous. Les médecins sont quand même pas, si on continue dans ce sens-là, bientôt ce sera un métier qui aura disparu. De fait, c'est comme les métiers qui étaient très durs dans le temps, les enfants ont toujours dit, ben nous on fera surtout pas ce métier-là. Donc il faut faire attention aussi à ce que ça donne sur le long terme, parce que sur le long terme c'est quand même quelque chose de très grave, on va dire les tout choses comme elles sont. C'est extrêmement important, et on a sorti d'ailleurs notre intersyndical pas plus tard qu'hier une vidéo qui parodiait un peu Grey's Anatomy pour essayer de montrer et démontrer que ce qu'on nous montre justement dans les séries télé, ce qu'on idolâtre un petit peu de la situation du médecin dans une série télé, ben en réalité c'est pas du tout la réalité que l'on vit au quotidien. Je vous encourage à aller regarder si vous pouvez sur les réseaux. Je viens de le partager sur la page Facebook de Ralentir pour vivre, pour pouvoir que nos auditeurs et nos auditrices puissent l'écouter et la regarder, parce qu'elle est effectivement elle est poignante à écouter. J'ai écouté ça hier, c'était ça représente quelque chose de fort et de lourd. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale et nous vous reprendrons sitôt après. Merci beaucoup. Merci. Je ne m'y attendais pas, au grand départ, fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas, mais quand j'y pense danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt, même à des kilomètres. Quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous retrouvons notre invité, Kylian Lelgouarche, qui est président de l'Intersyndicale nationale des internes en médecine. Voilà, nous aurions aimé avoir de votre part un retour sur ces affaires qui sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel dans ces milieux. Oui, alors peut-être juste avant, pour compléter mes propos de tout à l'heure, effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut... vraiment agir, hein, parce que nos derniers chiffres ont montré que 7 internes sur 10 avaient déjà pensé à arrêter médecine. Donc, faut pas qu'on arrive à une situation où les études médicales, qu'on dégoûte en fait ceux qui font les études médicales et tuer le peu de vocation qui reste encore aujourd'hui. Alors effectivement, dans nos études, on est soumis à une grande pression, hein, forcément liée à la prise en charge des patients au quotidien. On est confronté à la mort régulièrement aussi, à des situations de diagnostic difficile, d'annonce de diagnostic difficile. Oui. Donc forcément ça rajoute de la pression au cœur de métier, hein, qui est de la gestion aussi de ce stress. Oui, d'ailleurs, je veux juste faire une mini aparté. Est-ce que vous avez à ce sujet des formations pour vous aider ou vous soutenir dans ce cas-là ? On en a très peu. On en a très peu. On a quelques formations où, mais je dirais, c'est peut-être une ou deux pendant nos premières années où on apprend à faire une annonce de diagnostic difficile, par exemple, une annonce d'un cancer à une personne avec des comédiens, mais c'est pas encore partout dans toutes les facultés et c'est très peu, c'est très peu. Et quand on est interne, on y est confronté extrêmement rapidement. Hein. Je me souviens la première semaine d'internat. J'ai dû annoncer à un patient qu'on allait l'opérer en urgence parce qu'il avait un anévrisme de l'aorte abdominale qui pouvait se rompre à tout moment et donc décéder à tout moment et qu'il avait en plus un cancer du foie qu'on allait explorer. Première semaine d'internat, voilà, ça vous donne le tableau un peu des situations qu'on peut vivre. Et c'est pas monseigneur, c'est pas mon praticien avec lequel je travaillais qui l'a annoncé, c'est moi interne. Depuis une semaine qui l'annonçait. Donc, heureusement, j'avais les armes, on va dire, et la résidence personnelle, mais tout le monde ne l'a pas, et on a encore assez peu de formation, justement, pour apprendre à amener les choses, à ressentir aussi, parce que chaque patient est unique, pour certains patients, raconter ou plutôt annoncer le diagnostic d'une telle façon, ça marchera bien, et puis pour d'autres, pas du tout, donc c'est des choses qui s'apprennent. Mais c'est mieux de l'apprendre dans des situations, on va dire, de simulation plutôt que sur le terrain directement. Mais ça montre à quel point vous êtes sous pression par divers facteurs. Et entre autres, le harcèlement moral, il se décline comment ? Alors, le harcèlement moral, il se décline souvent, encore une fois, dans cette situation de stress extrêmement important. Il y a beaucoup d'humiliation. Dans notre étude, justement, en 2024, on en a repéré plutôt pas mal. Des externes, des étudiants en médecine ou des seniors, des chefs leur ont dit mais tu réussiras jamais médecine, même si tu as réussi le concours, de toute façon t'es bon à rien, t'y arriveras pas, etc. Ça c'est une situation qu'on peut vivre au quotidien quand même. Oh mon Dieu. Voilà, on va dire qu'en termes de pédagogie, c'est peut-être pas la meilleure, et c'est clairement pas la meilleure des solutions pour faire apprendre et puis donner envie d'apprendre aussi aux étudiants dans les services. Donc il y a ce harcèlement qui est très présent et ces situations voilà, d'humiliation qui sont aussi présentes dans les services et en priorité hein, parce qu'on a demandé est-ce que c'est plutôt à l'hôpital, est-ce que c'est plutôt pendant les cours, est-ce que c'est plutôt dans des cabinets de ville, mais en fait très majoritairement ces situations elles sont vécues à l'hôpital. Mais ça a été aboli. Je dirais le carabin, enfin l'étudiant en médecine qu'on harcelait, qu'on violentait au début de ses études. Vous parlez du bizutage. Oui, le bizutage. Ouais. Mmh. Ah oui, le bizutage est évidemment interdit. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que peut-être à l'époque où j'ai commencé mes études, il y avait encore du bizutage qui était présent. Mais clairement aujourd'hui, ça a soit complètement disparu, soit ça a largement diminué par rapport à ce qu'on connaissait. Mmh. Par le passé. D'accord, mais maintenant il y a du harcèlement direct durant les études et durant l'internat, si j'ai bien compris. Oui, aussi. Hein, par exemple, je vous cite un étudiant de sixième année qui a répondu à notre enquête, qui dit un chef connu comme pouvant mettre mal à l'aise m'a insulté en évoquant mon homosexualité. L'équipe m'a recommandé de faire comme si de rien n'était, parce que en réalité c'est un bon praticien. Vous voyez dans ce type de situation qu'on peut vivre et que ils nous ont fait que les étudiants et les internes nous ont fait remonter pendant notre étude. Et quand vous parlez de harcèlement sexuel, c'est à quel niveau? Alors le harcèlement sexuel. Ce qu'on a repéré, c'est qu'il y avait 14% des internes qui ont subi des humiliations répétées au cours des études et que 26% des internes, donc quand même un interne sur quatre, ont été victimes de propos ou d'attitudes à caractère sexuel. Donc ça peut être à la fois des blagues que certains qualifient parfois de blagues graveleuses, que moi je qualifierais juste de harcèlement sexuel quand c'est répété et c'est tout à fait qualifié dans la loi, c'est interdit. Et puis moi le chiffre qui me glace beaucoup plus le sang, c'est le chiffre que pour 100 personnes, 100 docteurs, nouveaux docteurs qui ont prêté serment, il y en a une qui a été violée pendant son internat ou pendant ses études de médecine. Et moi, ça, c'est le chiffre qui me glace le sang le plus. Ah, moi aussi, ça me glace le sang d'entendre ça. D'autant quand même qu'on oublie toujours, mais les médecins sont là pour soigner. Donc, comment voulez-vous être apte à bien exercer votre métier quand vous subissez déjà, je m'excuse, mais un broyage cannibale, quoi. C'est pas correct, ça. Il y a quelque chose de... Complètement. C'est lourd. C'est pénible à entendre ça. Donc, en quelque sorte, est-ce que ces personnes-là arrivent à avoir gain de cause? Alors, c'est très compliqué, c'est très difficile déjà de faire parler que les internes aient confiance dans leur signalement, dans le traitement du signalement. C'est très compliqué aujourd'hui parce que on le voit et nous, on suit au national, on a plusieurs affaires au pénal hein, contre des praticiens ou des professeurs d'université justement pour des faits. Soit de harcèlement moraux, soit de harcèlement sexuel ou pire de violence sexuelle. Et à chaque fois, ce qu'on constate, c'est que les internes, ils ont peur de parler. Ils ont peur, comme je le disais, sur le temps de travail, parce qu'ils ont peur pour la validation de leur stage, la validation de leur diplôme, le poste internat, d'avoir un poste dans l'hôpital public. Et donc ça, ils ont peur. Et on sait très bien que les démarches aujourd'hui, notamment en pénal, c'est très long. Un tribunal pénal, on en a un qui est en cours, il ne s'est toujours pas réuni alors que la plainte a été déposée il y a 2 ans et demi hein, quand même. Donc c'est très long, c'est des processus qui sont très longs où ceux qui font le signalement n'ont clairement pas gain de cause tout de suite. Et forcément il y a la présomption d'innocence qui prévaut et donc c'est très compliqué pour les victimes pendant l'ensemble du process pénal. Donc c'est très compliqué aujourd'hui encore d'avoir gain de cause sur ces questions. On espère que ça va améliorer. Là, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre les violences sexuelles dont on est notamment partie prenante. Donc on espère que ça permettra à la fois de libérer la parole, parce qu'elle n'est toujours pas libre, hein, contrairement à ce qu'on peut dire, et de permettre enfin d'avoir de faire en sorte que ces comportements qui existaient, qui sont clairement condamnables et condamnés dans la loi, hein, c'est précisé dans la loi, n'existent plus dans les années à venir. Ben c'est bien ce que je disais. Donc, en quelque sorte, quand vous êtes en train de manifester, nous ne voyons qu'une pointe de l'iceberg, mais en dessous, il y a une colère qui gronde. Et puis ça, on ne peut pas l'enlever. C'est vraiment très important. Nous nous retrouvons après une petite pause musicale et je tiens à vous remercier particulièrement pour votre interview, pour votre intervention. Merci. Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois. Moi, je vis, je rêve et je m'en mêle parfois. Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change. L'horizon qui se mélange. Les océans qui s'échangent. Libre sur de rien, mon ange. Je m'arrange, je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Et je m'emmerde parfois. Sur un coup de tête, je m'en vais. Sur un regard, je le sais. Sur un volcan, je fondrai. Sur les traces d'hier, je renais. J'aime la vie qui change le vent. Et ses louanges, j'aime quand c'est étrange. Quand je m'arrange, je dérange. Je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. Ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous vous retrouvons à l'antenne avec Kylian Lelgouarche, président de l'Intersyndicale nationale des internes en médecine. Voilà, et là, on va arriver à un point qu'on discutait hors antenne et que je pense qui est important. Une interne qui a quand même déposé son dossier pour harcèlement 7 ans après. Et je pense que c'est important de le stipuler, que c'est essentiel de se faire entendre quoique il y avait prescription, si j'ai bien compris. Tout à fait, nous, ce qu'on conseille toujours, on a longuement parlé du fait que les internes ont beaucoup de difficultés à parler, à faire un signalement parce que il y a tout un tas de contraintes et de pression qui existent sur nous au quotidien. Mais ce qu'on leur conseille de manière systématique, c'est de quand même collégier l'ensemble des faits qu'ils ont subi, pour pouvoir parce que voilà, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, peut-être qu'après leur internat, une fois qu'ils ont fini les études médicales, qu'ils seront docteurs en médecine, que plus personne ne pourra les atteindre sur le plan de leur carrière professionnelle. Mmh. Et bien, peut-être que là, ils auront envie de parler, peut-être que là, ils auront envie de faire quelque chose contre ce qu'ils ont subi. Et on a souvent ces situations. Vous avez évoqué effectivement cette interne qui avait fini son internat depuis maintenant 6 ans, qui est revenue vers nous pour nous dire bah moi je voudrais pouvoir porter plainte. Alors, malheureusement pour l'essai de harcèlement moraux c'était prescrit, mais on l'a accompagné, pour au moins faire un signalement à l'ordre des médecins, et puis aussi au niveau des syndicats d'internes de la subdivision, de là où justement les faits s'étaient déroulés, pour bien vérifier que cet encadrant, justement, ce maître de stage universitaire, aujourd'hui n'encadre plus l'internat. C'est ce qu'on conseille de manière systématique. C'est ça, parce que la parole, c'est quand même quelque chose qui est important pour ne pas créer des abcès à l'intérieur. En parler, au moins en parler, même si légalement on dépasse et puis que ça rentre plus dans les cases, mais au moins le dire. Et justement, à ce sujet, pourriez-vous nous expliquer quels sont les soutiens qui sont proposés par rapport à justement des cas graves comme vous parliez maintenant? Alors nous, ce qu'on conseille comme structure nationale d'appel s'il y a nécessité et besoin, c'est ce qu'on appelle le Centre national d'aide et d'écoute pour les étudiants en santé, qu'on appelle la CNAE, qu'on peut joindre par téléphone toute la journée et aussi en soirée au 0800 737 800, le 0800 737 800, et on conseille aussi le 3114, qui est un numéro bien connu, qui est disponible cette fois-ci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 3114, qui permet d'avoir des psychologues en urgence, justement, au téléphone, pour pouvoir avoir un soutien le plus efficace possible dans une situation d'urgence. Évidemment, le 15, si on est dans une situation d'extrême urgence, oui, toujours disponible, et le 15 tomberait toujours sur un médecin si nécessaire. Et puis ensuite, nous, en tant que syndicat national, on aide nos structures locales à mettre en place des cellules d'écoute entre pairs au niveau local. Oui. Alors, elles sont pas disponibles partout, mais elles le sont de plus en plus. Et donc ça, vous pouvez vous rapprocher de vos syndicats locaux d'internes qui ont mis en place normalement des échanges entre pairs. Donc c'est souvent par mail ou par téléphone, et l'idée c'est de pouvoir échanger du quotidien avec un autre interne, et cette écoute par pair, on y croit beaucoup, parce que c'est des fois plus simple quand même de pouvoir échanger avec un autre interne que d'échanger avec une psychologue qui n'a pas forcément vécu aussi ce que nous on vit au quotidien dans les hôpitaux publics. Non, puis qui ne connaît pas le contexte. Si vous devez déjà expliquer un contexte à quelqu'un, c'est déjà très pénible. Par contre, il faut quand même souligner qu'il y a plusieurs dizaines, je dis pas de bêtises, plusieurs dizaines d'internes qui se suicident par année. Oui, complètement, complètement. Alors, on avait un chiffre il y a quelques années de un suicide tous les 18 jours, qui est absolument catastrophique. Donc, on continue à lutter contre ça, et c'est en parlant de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, du temps de travail, en parlant du harcèlement sexuel, qu'on arrivera à faire véritablement changer les choses, et d'alerter à la fois les pouvoirs publics, d'alerter aussi nos parlementaires. Alors, nos parlementaires aujourd'hui sont très focalisés sur la coercition, sur savoir où est-ce qu'il faut envoyer des médecins. Je pense qu'ils devraient être aussi plus attentifs aux conditions de travail dans lesquelles nous avons quotidiennement. Oui, je pense que s'ils regardaient vraiment les choses, et en tout cas l'autre partie de l'iceberg qui est sous l'eau, ils verraient que le problème est ailleurs encore que dans mettre des obligations qui sont, on va dire, mitigées, parce que elles veulent pas dire grand-chose. Par rapport à ça, on ne prend pas conscience, mais c'est quand même un phénomène, le burn-out, qui impacte directement à travers cette profession toute la population. Il faut en prendre conscience aussi de ça. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il faut surtout dans certains territoires, hein, quand vous avez le médecin et qu'on demande de plus en plus de choses aux médecins, de travailler encore plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Un médecin généraliste en libéral aujourd'hui, c'est 50 heures semaine, hein, oui, minimum. Donc vous voyez, on est quand même loin des 35 heures habituelles de tout à chacun. Donc on est déjà à un bon niveau de travail. Et ben, si on continue à pousser, à demander toujours plus, mais avec le même nombre de moyens que l'on a aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, la machine va se gripper. Et pour des patients qui avaient justement leur médecin généraliste, et c'est très compliqué aujourd'hui, j'entends, d'avoir des médecins généralistes, il faut que les médecins généralistes qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui prennent des patients, ben, puissent rester sur le terrain et prendre des patients et pas tomber en épuisement professionnel. C'est ça, parce que si cette profession est en épuisement professionnel, alors ça devient grave, parce que en dehors du fait qu'on a quand même des circonstances, on va dire, économiques, qui scie aussi la branche sur laquelle on est assis, hein, on va parler gentiment, mais qui suicide carrément la profession, techniquement, économiquement parlant, les budgets qui sont arrêtés. Ici, il y a des cas avec l'hôpital de Remiremont qui sont vraiment, en fait, qui sont graves et en fait qui sont dus à, on va pas se mentir, au fait qu'on a voulu que la santé ce soit un produit intérieur brut, c'est-à-dire que ce soit rentable. Ça, c'est quelque chose de choquant quand même. C'est-à-dire qu'on a, il y a quelques années, introduit ce qu'on appelle la tarification à l'acte, notamment dans les hôpitaux publics, qui permettait effectivement d'avoir une logique économique sur la santé. Mais voilà, je pense que le système, on l'a poussé un peu trop, beaucoup trop loin, et que derrière la logique économique, que ce soit à la fois pour les médecins, pour les internes ou pour les patients, on n'est pas que des chiffres sur des tableaux Excel, est avant tout des personnes qui soignent d'autres personnes, qui eux aussi ne sont pas des chiffres dans un tableau Excel. Ben, on vous remercie beaucoup, Monsieur Lelgouarche, de nous avoir éclairci sur une situation qui est en fait une profession dans laquelle il y a une crise profonde. Je pense que vous me rejoindrez sur ce point. Et de nous donner un peu des facteurs qu'on ne connaissait pas, entre autres les temps de travail si importants, entre autres, ces manipulations et ces harcèlements moraux et sexuels qui sont quand même des points très graves. Je vous laisse conclure. Sur un point, sur ce point. Ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité sur ce sujet. C'est un sujet qui est vraiment le cœur de notre ADN hein, au quotidien. C'est gérer des internes qui sont en souffrance psychologique, de savoir comment on peut les aider, comment on peut les orienter. Et le fait d'en parler, c'est déjà une première pierre pour pouvoir changer le système et pouvoir améliorer le système dans lequel on vit. Ben, vous nous rejoignez, l'association dit qu'en fait, nous on fait de l'information uniquement, on ne fait aucun soin, on fait de l'information, parce qu'en parler c'est déjà un bon premier pas. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Voilà, je redis, Kylian Lelgouarche, président de l'intersyndicale nationale des internes en médecine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Si tu veux bien, Catherine, je vais terminer avec une musique à la place de ton générique, d'accord, si tu le permets, de la chanteuse Suzanne qui vient de sortir ce titre « Je t'accuse », une chanson exutoire pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes qu'elle affirme pour la première fois avoir elle-même subies. Merci beaucoup, Lia. Ça me paraît être vraiment d'actualité, maintenant qu'on a mis à jour un peu les problèmes. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Faire nous-mêmes, car je t'accuse. fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. J'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qu'avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.